Ça prend des revenus de plus. Et où la plantation d'arbres à l'argent cash? L'argent dans nos poches. Ouais. C'est ça qu'elle veut. Je cherche les arbres à cash que Québec solidaire cultive. Ben franchement, hier, j'attendais que quelqu'un pose la question. Ouais, mais de toute façon, on va tous travailler dans le transport en commun. Oui, c'est dans ça. Un Québec jobs. De Québec solidaire. 100 000 jobs. Ouais, le Québec vert, ça prend un Québec vert. Je vais te faire entendre aussi le début de son point de presse, parce qu'il y avait des points de presse hier après le débat dans la maison de Radio-Canada. Écoute celui de Françoise David. Où, vous pensez, doit-on situer la question référendaire? Réponse, je suis honnête et j'avais décidé ce soir de ne répondre aux questions qu'en français parce qu'à cette heure-ci, je suis désolée, mais mon anglais n'est pas suffisant. Donc, si vous voulez bien reposer votre question en français, ça va me faire plaisir d'y répondre. Encore une. Ça, c'est cette grande intellectuelle, cette femme tellement intelligente hein, qu'on nous présente dans les médias, puis donc bien bonne. Puis le programme, c'est de la merde, mais elle est intelligente. Mais. Bonne. Parle pas anglais. Que ce soit. Que la chef de Québec solidaire parle pas anglais, ça va avec le reste, c'est clownesque. Le problème, c'est que notre première ministre peut répondre à peu près à la même affaire. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, c'est ça qui me trouble. Hein. La fatigue aidant... Elle l'a sorti comme excuse, Pauline Marois, il y a quelques années. Je suis plus capable de parler 3 mots en anglais. Puis je veux... Moi, il y a quelque chose hier là, qui m'obsédait pendant le débat, Jérôme, sur Pauline Marois. Mm-hmm. Comment une dame qui a si peu de talent à parler avec d'autres personnes à son niveau, a pu se rendre première ministre. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Il faut le faire. Parce que c'est sérieusement, sa performance d'hier, on peut dire, ça a été minable. Elle n'est pas capable de débattre. Puis là, c'est dans un cadre quand même assez formel. Imaginez-vous tout ce qu'on voit pas. Tu sais, quand t'as part en Suisse ou en Angleterre ou aux États-Unis ou en Europe avec des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires, imaginez-vous comment est-ce que cette personne-là nous fait honte parce qu'elle n'est pas capable d'interagir avec d'autres humains. Ben, c'est honteux, c'est une vraie honte. C'est vrai qu'elle est minable et c'est pathétique qu'elle ait réussi à devenir première ministre. Yeah. On n'a plus pour longtemps, là. 7 avril, c'est terminé, là. En passant, pendant de terminer... Il parle de notre bricolage. En fait, c'est ton bricolage. Dans le Devoir de ce matin. Pour vrai? Pardon? Le Devoir avec Isabelle Porter fait référence au bricolage du show du matin. Comment ça? Fait un beau pliage avec la pub déterminée oui. du PQ. On s'est amusé un peu. C'est que Isabelle Porter parle ce matin de le travail des radios de Québec. Et le titre, c'est les radios de Québec en campagne. OK. On est pas fin que le PQ, pis on fait de la peine à Pauline. Bon, on nous reproche d'avoir de l'opinion. Ouais, puis tu sais, là on se pose des questions sur le traitement qu'on fait du PQ, puis on donne pas assez de glace au PQ. Mais les qui viennent. En passant, là, Pauline Marois est invitée depuis le début de la campagne. Rich est là-dessus quasiment quotidiennement pour essayer d'amener Pauline Marois en studio. Philippe Couillard est venu 2 fois. Oui. Depuis le début de la campagne électorale en studio. Legault est venu aussi. Il est pas venu dans le show du matin. Il a parlé un peu au téléphone. Mm-hmm. On est les premiers à vouloir donner de la glace au PQ. Ils veulent pas. On va la prendre, Pauline. Il n'y a pas de problème. Le PQ refuse le temps de glace qu'on lui offre. C'est ça, réalité, là. Tous les péquistes d'importance qui ont voulu venir s'asseoir, ils sont venus. Agnès Maltais a participé au débat des Trois Amigos. Ouais. Bernard Drinville est venu et il vient régulièrement s'asseoir pour parler de la charte. Il avait moins le goût de parler de PKP, mais on lui a posé nos questions quand même. Mais Bernard Drinville était là. Mm-hmm. Ben puis c'est ça. Puis Isabelle Porter a interviewé notre boss Philippe Lefebvre, qui répond très bien. Là, dit, ah oui? Regarde, la chaise et le micro sont disponibles là, pour les péquistes quand ils veulent. T'es en train de dire que Philippe Lefebvre nous a pas fait honte? Il nous a défendu. Ah ben tabarnak. Oui. Super. Il a réussi à bien paraître dans cette entrevue-là avec le Devoir. Je l'écœure un peu parce qu'hier, je l'ai complimenté sans le savoir. L'excellente publicité qui était dans vos journaux d'hier concernant le show du matin, puis Régis Labeaume qui dit qu'on est payé pour être fatigant, ça a l'air, c'est son idée à lui. Fait que je l'ai comme complimenté sans savoir si c'était lui. Avoir su c'était lui, j'aurais pas fait ça. T'aurais pas dit un mot. J'aurais pas dit un mot du mot. Au pire, j'aurais dit, ouais, notre pub, ben so-so. Complimenter un boss, voyons. 6h22,